jusqu'à 18h30 sur Fadjet, Demain de Maître, animé par Olivia. Bonjour à tous, bienvenue dans Demain de Maître, votre émission qui va dans les ateliers d'art alsaciens et lorrains, à écouter une fois par mois sur Fadjet, le vendredi à 18h. Je viens d'arriver à Strasbourg et entre dans l'atelier d'Aude Fuchs, relieur, restauratrice de documents anciens. Aude Fuchs, bonjour. Alors là, on est dans votre atelier à Strasbourg. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ? Je suis relieur d'art et restauratrice de documents anciens et je suis en train de restaurer un livre des ballets de l'Opéra de Paris. Qu'est-ce que vous faites ? Alors là, vous êtes arrivé à l'étape où je suis en train de faire le mort du livre, donc c'est-à-dire l'arrondissement du dos. D'accord. Alors concrètement, vous faites quoi ? Donc j'utilise le marteau pour arrondir tous les cahiers au niveau du dos, ce qui va nous donner un dos du livre arrondi. Donc là, on vient de faire le mort du livre. Oui. La couverture a été faite à part. Et maintenant, on va travailler sur la préparation du cuir qui va être posé sur la couverture. D'accord. Donc on utilise un couteau à parer, qui est un gros couteau à lame plate, très aiguisant, donc on aiguise à chaque fois. Une fois aiguisé, nous allons vers le cuir qui a été coupé sur mesure. Oui. Par rapport à la couverture que nous voulons. Et on va le parer. Le parer, c'est-à-dire ? On le dégrossir. En gros, on va enlever les couches de peau pour le rendre le plus fin possible, pour pouvoir le travailler. Et on va arriver jusqu'à la fleur. Donc du coup, le cuir sera le plus fin possible pour pouvoir mieux le manipuler, mieux le travailler, mieux le poser. La fleur, on pourrait dire que c'est comme la couche de l'épiderme en profondeur, la plus proche de soi en fait. C'est la partie souvent qui est colorée du cuir, la partie haute du cuir, celle qu'on va voir. Comment êtes-vous devenue relieur, restauratrice de documents anciens ? Au lycée, on est parti à Venise. Ouais. J'avais 15 ans. Et on a visité beaucoup de bâtiments anciens, de musées. Et ça a été le déclic pour moi par rapport à l'art. Je me suis rendu compte que j'aimais beaucoup ça. J'ai poursuivi mes études avec des cours à l'université en histoire de l'art. Mmh. On avait un cours d'histoire de l'art médiéval en première année. On nous a présenté l'encyclopédie Diderot avec une gravure sur la reliure. Donc ça a commencé à faire son petit chemin dans ma tête. Après ma licence, je suis partie en Belgique, à Bruxelles, pour faire un cours, une formation de brocanteur antiquaire option livre ancien. Et à mon retour, j'ai été acceptée dans un CAP art de la reliure, en alternance aux archives de la communauté urbaine de Strasbourg. Et donc effectivement, vous étiez à la recherche d'un apprentissage et vous avez répondu à une offre, recherche apprenti relieur d'art. Et là, vous vous intégrez pendant 2 ans et quelques mois les archives donc, de la CUS de Strasbourg et vous êtes formé par l'un des plus grands relieurs restaurateurs de documents anciens en France. Exactement. J'ai vraiment eu cette chance d'être formé par une personne qui était passionnée par son travail, qui m'a transmis sa passion, qui m'a appris énormément de choses en 2 ans. Alors, ça n'a pas été 2 années très faciles. Parce que c'est 2 années d'apprentissage où c'est intense, on nous demande la perfection, on nous demande la qualité, on nous demande d'aller plus haut, toujours plus loin au niveau du travail. Mais ça a été formateur, beaucoup. Ah oui. Je suis sortie de ces 2 années avec un niveau beaucoup plus élevé que ce que mon examen me demandait. Ah oui. J'ai su m'adapter à différents supports, à différentes techniques, à différents papiers en fonction des cols, en fonction du du papier, de son âge, s'il était jauni ou non. Des fois, vous avez des papiers qui sont jaunis et donc du coup qui sont très cassants. D'accord. C'est du papier qui est acide, en fait, c'est de l'acidité dans le papier. Mm-hmm. Et du coup, on a dû, pendant 2 ans, j'ai appris à gérer justement les différentes choses, les différentes contraintes qui m'étaient amenées à avoir. Donc ça a été très très formateur, ces 2 ans passés à la CUS. Je recommencerai encore et toujours s'il le faut. Je pousse les gens à le faire parce que c'est magnifique, la relation de maître à élève est vraiment très belle. Je répète, ça a été dur, oui, mais c'est très beau parce qu'on apprend à recopier des gestes, à regarder des gestes d'une personne, à refaire exactement les mêmes. La personne qui était mon maître est un peu jugée en même temps que nous, c'est-à-dire que quand nous on passe l'examen, c'est un peu lui qu'on juge, c'est sa manière de lui travailler vu que c'est lui qui nous enseigne. Et il me semble même que la personne qui vous a, on va dire, embauché, entre guillemets, pour le CAP, qui a été votre maître d'art, ne prend qu'un apprenti tous les 10 ans, c'est ça? Exactement, exactement. J'ai vraiment de la chance parce que c'était inattendu. Effectivement, il prend une personne toutes les 10 ans, environ, à peu près. C'est à peu près ça. Et alors, je crois que par la suite, vous avez restauré un plan de 1912, me semble-t-il. Exactement, c'était pendant ces 2 années-là. Ouais. C'est les Galeries Lafayette de Strasbourg, anciennement MacMod. C'était un plan qui était rempli de scotch, de vieilles toiles, qui était dans un très mauvais état, qui avait dû être entretenu, plié très certainement dans un endroit humide. Il a fallu enlever tous les adhésifs, donc tous les scotchs, ouais, pour retrouver un plan du coup à l'état naturel, qui était en miettes, et on a dû tout recomposer par la suite avec différentes colles et différents papiers qu'on utilise pour la restauration de documents anciens. Donc ça a été très formateur. C'est un des plus beaux documents que j'ai restauré. C'est magique de le voir, de voir dans l'état dans lequel il arrive, avec ses vieux scotchs, on enlève tout, il est en miettes comme un puzzle, et à la fin, en fait, il est de nouveau tout neuf, comme s'il venait d'être fait. C'est vraiment magique. C'est formateur, effectivement. Et c'est en plus super. Qu'est-ce qui vous touche dans ce métier de relieur, restaurateur de documents anciens? C'est justement ce côté restauration que j'aime beaucoup. J'aime vraiment voir les documents qui arrivent chez moi et qui sont dans un état pitoyable et qui tombent en miettes, qui ne ressemblent plus à rien, il n'y a plus de couleur dessus. Et on leur donne une seconde vie, une seconde chance, une seconde... c'est vraiment une seconde vie. Ça va passer d'autres mains à enfants, petits-enfants, à personnes passionnées, à collectionneurs. Et il va avoir la chance de perdurer dans le temps de plus en plus. Et ça va aussi, j'imagine, donner la possibilité à quelqu'un d'avoir accès à des informations qu'il n'aurait pas eues sans ce document ancien, par exemple. Exactement, c'est très important. Alors, souvent, j'explique que je restaure des documents qui, des fois, ne m'intéressent pas. Dans le fond du document, personnellement, des documents allemands essentiellement, parce que ça va pas avec mon histoire, mais qui sont importants pour quelqu'un. Ça peut aider quelqu'un à savoir où est-ce qu'il a grandi, par exemple, où est-ce que ses parents ont grandi. Les registres d'état civil, c'est pareil pour les gens qui aiment faire des arbres généalogiques. C'est pareil, ils vont savoir où est-ce qu'est née leur grand-mère, où est-ce qu'est né son grand-père, et inversement, pouvoir suivre les recherches. C'est très important. C'est vraiment très important. Et vous avez déclaré, je vous cite, « Je souhaite développer le métier de relieur d'art, montrer au monde que ce vieux métier est encore utile et important aujourd'hui. » Alors je vous pose la question, le métier de relieur d'art est-il en danger selon vous ? Complètement. C'est un métier qui se perd beaucoup. Déjà dans la passation de connaissances, très peu de relieurs aujourd'hui peuvent prendre des apprentis. Parce qu'ils ont suffisamment de travail pour eux, et c'est tout. Ils gagnent pas forcément très bien leur vie non plus, vu que pas assez de travail. Alors pourquoi pas assez de travail? Parce que c'est plus devenu une priorité, déjà premièrement, de restaurer des documents. Alors dans les institutions comme les archives, il y a encore dans certaines archives des ateliers de reliure, mais ça se fait de moins en moins. C'est un métier qui coûte cher, parce que on prend du temps sur un livre, c'est des heures et des heures de travail. Alors forcément, à la fin, on a un livre qui est restauré, et pour beaucoup de gens, ça n'a pas forcément de valeur par rapport au temps travaillé. Les institutions ne reprennent plus de nouveaux, n'engagent plus en fait de nouveaux relieurs. Quand des relieurs partent à la retraite, on va mettre des magasiniers à la place, par exemple. Alors pourquoi ? Parce que on a des nouvelles technologies maintenant dans les institutions, je parle en tout cas, qui sont les magasins, donc avec ces longues chaînes où on range les livres, où ils sont à l'abri de la lumière, ils ont une certaine température, il y a l'hygrométrie qui est régulée, donc c'est le taux d'humidité, donc c'est pour éviter que les champignons se développent, voilà, tout ça. Donc c'est vraiment toutes ces nouvelles technologies aussi qui font que notre métier est en train de se perdre. Mmh. Aujourd'hui, un relieur d'art ne peut pas vivre uniquement de reliure, ou très peu. D'accord. Donc aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'on se dirige plus vers la restauration. On va faire de la reliure, et de la restauration de reliure, et de documents anciens, papier. Personnellement, je fais les deux par passion, plus que par argent. J'aime autant travailler le livre, faire des reliures, des restaurations de reliures, que travailler sur la restauration d'affiches ou de plans. Et justement, sur quel type d'ouvrage avez-vous travaillé ou travaillez-vous actuellement ? Les ouvrages sont très différents. Ça peut aller à un registre d'état civil, comme je citais avant. Souvent, c'est fin 1800, début 1900, les registres d'état civil. D'accord. Ou alors sur des commandes pour des particuliers. Donc ça va être de la restauration d'un livre de famille. Oui. J'ai déjà eu affaire avec un dictionnaire de rêve d'une grand-mère. Un dictionnaire tout court d'une famille qui se sont passées de génération en génération aussi. Là, en ce moment, je restaure des livres de contes pour enfants qui viennent de parents. C'était leur livre de contes à eux, étant enfants. Et maintenant, ils ont des enfants à leur tour et ils ont envie de le faire lire à leur enfant. Donc, du coup, ils le restaurent pour qu'ils puissent le toucher, le manipuler. Et sinon, au niveau de la restauration, j'ai des affiches. Beaucoup de cartes des années 60, des années 70. Oui, des cartes géographiques. Des cartes géographiques, ou sinon les anciennes cartes d'école, bon, les cartes géographiques aussi d'école, ouais. Les anciennes cartes de scènes de vie d'école, où on voit des enfants en train de manger à table, des enfants en train de jouer au parc. C'est presque un témoignage de l'époque. Exactement, c'est exactement ça. C'est ce qui me plaît dans la restauration, c'est vraiment, comme je disais, perdurer un document, c'est un vrai témoignage. C'est montrer aux gens qu'à l'époque, eh ben oui, on avait des cartes comme ça. Il n'y avait pas l'ordinateur. On avait des cartes comme ça dans les classes. Mm-hmm. Et elles existent encore et elles sont encore là et elles peuvent encore nous apporter pas mal d'informations. Et votre quotidien, concrètement, ça ressemble à quoi ? J'arrive à mon atelier. J'aime beaucoup travailler le matin, donc je viens tôt. Mm-hmm. Je regarde ce que j'ai à faire par rapport à la veille. C'est tous les jours aléatoire, tous les jours je fais un autre travail. Mon espace de travail change durant la journée beaucoup de fois, je change d'outil en fonction de ce que je fais. Il y a beaucoup de temps de mise en presse, hein. Donc la mise en presse, c'est on va mettre nos documents dans une presse de relieur pour faire coller les cartons, les papiers, les adhésifs ensemble, pour les mettre à plat. On exerce une pression. Exactement, voilà, c'est bien ça. Donc, en fonction de ces temps de presse qui sont obligatoires pour le travail du livre, eh ben, quand un livre est en presse, on va travailler par exemple sur une carte ou sur un autre livre où il faut faire de la couture, par exemple. Et vous faites de la couture alors à main levée ? Comment ça se passe ? Alors, la couture, on a deux techniques de couture qui sont à main levée. On va prendre des mesures qui sont prédéfinies en fonction de la hauteur du livre et de la largeur du livre. C'est des normes de relieur. Oui. C'est comme ça, on ne les invente pas, pas du tout. Que ce soit la couture à main levée ou au cousoir, il y aura toujours un fil, une aiguille et des rubans. D'accord. Et donc la couture sur cousoir, donc on va avoir un outil en bois. Il faut vraiment s'imaginer une planche au niveau de la table avec deux montants avec des vis sans fin, avec des rubans qui vont être tendus, notre livre qui va être posé dedans, et cahier par cahier, on va coudre de l'extérieur à l'intérieur, autour des rubans, le livre. Et donc, on va faire cahier par cahier, donc du coup, à la fin, on aura de nouveau la structure du livre entier. Faire une sorte de lacet ? C'est presque ça. Voilà, c'est vraiment, on rentre dans le cahier, on ressort du cahier, on rentre dans le cahier, on ressort du cahier, on rentre dans le cahier, on ressort du cahier. Alors justement, Aude, on va peut-être aller faire quelques pas, se diriger dans le coin, on va dire, atelier confection, et on va vous voir à l'œuvre pour comprendre comment ça se passe. Donc là, on va travailler, je vais vous montrer comment, je vais vous expliquer comment on travaille sur un livre. Donc devant moi, j'ai ce livre où la couverture est en train de se désolidariser du corps d'ouvrage. Donc on voit sur la tranche, donc la tranche, c'est la partie que vous avez au niveau de la couverture et du corps d'ouvrage vraiment. Qui relie un petit peu la couverture et l'ouvrage. Voilà, c'est ça. Qui est totalement ouverte, entièrement cassée. Donc on va enlever... que je suis en train d'enlever, c'est, on appelle ça la cingalette. C'est une genre de toile, ça ressemble un peu aux toiles qu'on utilise pour les plâtres. D'accord. Seulement c'est beaucoup plus fin. Ouais. Donc là, je l'ai enlevé. On va faire pareil, donc on fait toujours l'avant et l'arrière. Voilà. Donc là, on a le corps d'ouvrage proprement dit du livre est à ma droite et à ma gauche. J'ai la couverture. Donc on a désolidarisé les deux parties. Oui. Donc c'est ce qu'on appelle un bradelle. Pourquoi ? Parce que en fait, c'est une technique allemande où on fait le corps d'ouvrage à part, puis la couverture à part, puis on assemble les deux, et c'est les pages de garde qui font plus ou moins le maintien. Donc quand je suis à ce niveau-là, un livre c'est cousu. Un livre est composé de cahiers. Donc on va prendre le centre. Du cahier qui est ici. Au centre du cahier, on va trouver les ficelles de couture, et on va les enlever une par une. Avec le couteau. Et on va continuer cahier par cahier. Cahier par cahier jusqu'à la fin, exactement. Une fois qu'on a fait ceci, il reste des vieilles colles sur le dos. Donc sur tous les cahiers qu'on a enlevés, on a toutes les vieilles colles qui sont là, donc on a encore la cingalette sur certains cahiers, puis les vieilles colles. Donc ce qu'on va faire, on va prendre le couteau pareil de relieur, on va gratter les fonds de cahier pour enlever ces résidus de colle qu'on ne voit plus parce que on va remettre des nouvelles et on va le rendre plus beau. Une fois cette étape terminée, on va prendre tous les cahiers et les fonds de cahiers, donc c'est toutes les doubles pages, ont des trous qui restent, des trous de couture, de l'ancienne couture. Alors des fois ça va, il y a d'autres moments où c'est entièrement arraché. Donc on va réaliser des comblages avec des colles spécifiques et un papier spécifique pour avoir de nouveau un fond de cahier qui sera entier. On fait ça pour pouvoir faire une couture par la suite, pour que le cahier ne soit pas fragilisé, pour pouvoir faire la couture par la suite. Une fois que cette étape est effectuée, on prend notre corps d'ouvrage. Donc on l'assemble. Voilà, on remet toutes les pages ensemble et on appelle ça taquer. On taque le livre, on le met à l'équerre. Le mettre ensuite en presse. Oui, donc la presse, c'est la machine, en l'occurrence, c'est une machine noire que vous avez, qui va compresser, c'est ce que vous avez expliqué tout à l'heure, qui va compresser le livre. Exactement. C'est une machine manuelle. On a très peu d'outils électriques. Donc c'est une presse de relieur. On a un plateau fixe au niveau bas, un plateau qui bouge de haut en bas sur le haut, avec une vis sans fin qui va amener ce plateau du haut à descendre et donc du coup presser le livre, compresser le livre. Toujours vers le bas. Toujours vers le bas, exactement. Alors on le fait à cette étape pourquoi ? Parce qu'on a rajouté des papiers pour faire les comblages de fond de cahier. Donc on a amené de l'épaisseur, vu qu'on a amené un nouveau papier, on a amené de l'épaisseur au niveau du dos. Il va falloir le remettre à plat pour qu'il soit à la même hauteur que le reste du livre. On le place au centre entre deux planches en bois. Et là, on descend pour compresser le livre. Exactement. Plus fort possible. Alors moi, j'ai une question. Haute Fuchs, quelle étape vous préférez? Est-ce que c'est le moment du pressoir? Est-ce que c'est le moment où vous détachez les petits liens pour avoir d'un côté la couverture, de l'autre côté les pages? Ou est-ce que c'est lorsque vous mettez la colle? Toutes les étapes. C'est un métier très complet. On va... Comme avant, quand on a enlevé les pages, on a enlevé les coutures, on a enlevé la colle, on va travailler avec certains outils à un certain endroit de son plan de travail. Après la mise en presse, on va utiliser d'autres outils, on va faire des étapes totalement différentes. Notre espace de travail va entièrement changer. C'est ça que j'aime, c'est vraiment on travaille avec différents outils, différentes matières. Et tout est très intéressant. Il n'y en a pas une que je pourrais choisir. Donc là, on est en train de presser le livre. Exactement. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? À cette étape-là, exactement, le livre va rester en presse quelques temps, quelques heures. Tout dépend de ce qu'on fait à côté, de ce qu'on a à faire à côté. Le mieux, c'est quand même de le laisser une journée, voire une nuit. Après, ça dépend, on peut le laisser bien moins longtemps, mais c'est quand même mieux que tout soit bien fait. Et du coup, on revient, quand on revient dessus, on va le sortir de presse. C'est comme un gâteau qu'on sort du four, on a hâte de voir le résultat. Il est tout plat. Vous faites quoi là en course ? Alors là, je suis en train de préparer la colle d'amidon. Devant nous, on a une poudre blanche qui ressemble un peu à de la farine, entre du sucre glace plutôt. C'est une poudre d'amidon japonaise qu'on va mettre dans un saucier, comme les sauciers pour faire de la béchamel. D'accord. On va pas citer de marque, mais ça tourne tout seul, c'est magnifique. Ouais. On met une certaine quantité de poudre avec une certaine quantité d'eau, de volume d'eau. On laisse pendant un temps prédéfini chauffer pendant que ça remue, puis on baisse la température. C'est une histoire d'une heure à peu près, et on va avoir à la fin une pâte blanche qui ressemble à... J'arrive pas trop à définir. On dirait un peu de la glycérine. Ouais, c'est plus mou, c'est plus... Comme de la crème. Ouais, une crème bien épaisse. Voilà. On va dire. Une crème de jour très très épaisse. Voilà, une crème de jour bien épaisse. Donc ça va être notre colle d'amidon. Alors on l'a fait nous-mêmes, pourquoi? Parce que on travaille aujourd'hui, on a l'obligation de travailler qu'avec des produits qui sont réversibles. C'est-à-dire que si un relieur dans 100 ans... voudra restaurer un livre que j'ai restauré, et ben il va pouvoir enlever toutes les colles. C'est le but en fait, c'est vraiment de pouvoir tout enlever et qu'il n'y ait rien d'agressif ni d'abrasif. Pour le document, exactement. Donc cette colle est totalement neutre, ce qui est très bien. Elle est très résistante. Et on va la conserver dans de l'eau, puis on va la filtrer par la suite pour l'utiliser ou la diluer pour différentes utilisations. Quelle qualité, selon vous, faut-il avoir pour devenir ou pour être restaurateur de documents anciens et relieur? La première chose, c'est la passion. Je pense que c'est indéniable. Il faut aimer ce qu'on fait, il faut aimer les documents avec lesquels on travaille. Il y a un respect énorme qui se fait entre le relieur et restaurateur et le document. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, il faut beaucoup de patience, de calme, de minutie, de précision. Je crois que c'est les plus grandes qualités qu'il faut et qui sont obligées d'être là, parce que sinon, ça ne va pas. Avec quels outils travaillez-vous ? L'outil principal du relieur, c'est un plioir. C'est un objet qui est en os, qui est beige, hein, qui est plus ou moins plat, qui a une épaisseur de quelques millimètres et une hauteur à peu près... Après, c'est variable, ça peut être un très petit pluoir comme un grand, qui va nous servir à faire des coins, à poser du papier, à lisser, à marquer. Notre outil principal, c'est notre 11e doigt. On utilise des équerres à talons, une équerre à talons, pour mettre tout à l'équerre, parce qu'un livre doit être à l'équerre tout le temps. Des compas à pointe sèche. Le crayon, toujours. On utilise des marteaux, des limes, des aiguilles, du fil, des poids pour tenir les livres en place. On utilise des ciseaux, des scalpels. On utilise beaucoup, beaucoup de choses. C'est vraiment très varié comme outil. Ça peut être un outil très vieux, comme un outil comme le scalpel, plus moderne par rapport à d'autres outils en tout cas. Et je crois même que vous allez recevoir une cisaille de 300 kilos, c'est bien ça ? C'est bien ça, c'est une grande cisaille de relieur. Donc c'est un outil qui fait 1,10 m sur 1 m sur 80 cm, qui fait 300 kilos, qui est disposé d'un grand plateau avec une grande lame, avec un contrepoids, avec un manche en bois très souvent. Et ça me sert à couper du papier, couper du carton, à prendre des mesures plus précises, à faire des grandes coupes sur 1 mètre. Et c'est manuel. Donc on a une pédale, une pédale et une poignée. Et faut pas confondre avec le massicot. Les gens se trompent souvent. Un massicot sert à couper du papier. Alors la cisaille sert à couper quelques feuilles de papier, 4, 5, 6 ou 8, un peu plus, rarement plus, ou du carton. Par contre, un massicot, on va pouvoir couper un livre entier, la tranche d'un livre en entier. Donc ça va vraiment être une lame électrique qui va venir, il va couper d'un seul bloc tout le livre. Et je crois aussi savoir que vous avez des activités annexes, par exemple des cours de relieur traditionnel, mais également de l'auto-édition, ou vous proposez aussi des cours de loisirs créatifs. C'est très important pour moi cet aspect parce que, comme on expliquait avant, j'ai appris mon métier de maître à élève et c'est très important pour moi de passer cette connaissance. Donc je donne des cours de reliure traditionnelle avec des cours au semestre, à l'année ou sur 2 ans, à but de former des gens qui peuvent passer leur CAP en candidat libre. Je donne également des cours d'auto-édition, mini-édition et fanzine, qui sont plus des suivis de projets pour des gens qui font de la photo ou de l'illustration. Ils vont venir avec un projet dans leur tête, pas encore matérialisé. On va en parler, on va essayer de trouver les moyens pour aboutir à ce qu'ils veulent, tout en les amenant à réaliser eux-mêmes leur édition. Et effectivement, des cours de reliure japonaise, chinoise, belge, copte ou des cours de loisirs créatifs, ce sera plus de la reliure de loisirs pour adultes comme pour enfants. Donc les cours sont adaptés en fonction de l'âge, mais ça va être plus vraiment du plaisir. Bien sûr. Et vous préparez aussi des personnes au CAP de reliure ? Mais voilà, c'est exactement ça, c'est par rapport à la reliure traditionnelle justement. D'accord. C'est pas par un apprentissage, parce que je ne peux pas prendre d'apprenti encore, de par les moyens et de par mon ancienneté au niveau de mon entreprise. Les cours de reliure traditionnelle amènent les gens à être formés comme moi j'ai été formée pendant 2 ans. Donc c'est de la reliure, c'est assez strict, c'est pas strict, c'est très rigoureux, comme le métier le demande. C'est vraiment de l'enseignement de reliure traditionnelle. Pour terminer, Haute-Fuchs, quelle est votre prochaine actualité ? Alors, ma prochaine actualité, c'est déjà de finir de monter mon atelier entièrement, avec l'acquisition des machines qui arrivent. Ça sera déjà très bien. Oui, parce que ça fait quelques mois que vous êtes installé ici, dans cet atelier à Strasbourg. Ça fait 2 mois exactement que je suis rue de Tann, au Neudorf à Strasbourg. Et vu que c'est des machines qui sont très dures à trouver et qui viennent de loin... ça met toujours un temps à arriver. Donc déjà, l'installation complète de mon atelier, ça va très bien. Mais ensuite, ça va être la préparation, toujours mon travail de relieur et de restaurateur. Et à côté de ça, je souhaite participer à différents concours qui sont en rapport avec les métiers d'art. C'est C'est-à-dire Le concours de la banque populaire, des pépites d'art en France, des métiers d'art en France, voilà. Merci beaucoup, Aude Fuchs, de m'avoir reçu ici dans votre atelier à Strasbourg. De rien, c'était un vrai plaisir. Moi également, et puis on retrouvera votre actualité sur la page internet de Main de Maître, votre site internet, et puis des photos de l'atelier sur la page Facebook de Main de Maître. Merci beaucoup, au revoir. Merci, au revoir. Demain de Maître vous accompagne tout l'été durant le mois d'août, le vendredi à 19h, une fois par semaine, ainsi que le dimanche à 10h30. Et nous, on se retrouve à partir de septembre. Bel été à tous!